brush your mouth. Silence when I spit it out. In your face, open your mouth, give you a taste. Holla, ain't no stopping me. Copy written, so don't copy me. Y'all do it sloppily, and y'all can't come close to me. I know you feel me now, I know you hear me loud. I scream it loud and proud, Missy gon' blow it down. People gon' play me now, in and out of town. Cause I'm the best around, with the crazy style. Go, get your freak on, go, get your freak on. Trying to blame me when I don't even know the reason. I think it's just the season. Maybe the month, maybe the feeling. Now tell me what's the reason. Snoop video, looks like it's even. So cut the crying, cut the coughing, cut the wheezing, girl. Put the blaming, cut the naming, cut the sneaking, girl. I think you need some prayer, better call a deacon, girl. So get your act right or else we won't be speaking, girl. So what's it gonna be? Me and you? Or is it gonna be who blames who? I'm tired of these things, I'm tired of style. I think I'm gonna get me a drink. I call you tomorrow. Somebody better warn y'all. B. Michelle and Kelly put that jelly on y'all. Rockin' Missy be hot like California. Won't you sing the hook? Why don't ya? Now here we go. Move your body up and down. Make your booty touch the ground. I can't help but wonder why. I'm about to vibalicious for you, babe. C'est la deuxième meilleure entrée cette semaine du Hit Skyrock Fnac, directement à la 12e position, les Destiny Child avec Bottle It Shoots. Et puis vous l'avez remarqué, c'est une version exclusive qu'on vous a passée, les Destiny Child avec Missy Elliott. Premier passage en radio cette semaine à la 12e position du Hit Skyrock Fnac. Rockin' on your radio. premier sur le rap, c'est Skyrock. Et bon dimanche matin, bon week-end sur Skyrock, c'est Vincent, le hit Skyrock Snack tous les dimanches de 10h à midi, les 19 meilleures ventes de singles dans toutes les Fnac de France. On saura tout à l'heure à midi si Manu Chao est toujours numéro 1 du hit Skyrock Snack. D'ailleurs, si vous avez une idée sur le numéro 1 de cette semaine, vous nous appelez 01 53 40 30 20. On vous file les 10 premiers du hit en CD single si vous nous dites qui est numéro 1 cette semaine du hit Skyrock Snack. On continue le classement en 12e position, c'est Matt avec Lord Co-City, Cendrillon du Ghetto. Yo girl, be real. Hey girl, devine qui est là. Lord Co-City alongside Matt Houston pour toutes les Cinderella. Hey yo, and the girl them tune again, yo, Matt Houston. Oh, ah, Cendrillon. We can do so. Eh, eh, tu aimes les clubs hip hop. Oh, tout comme moi. Oh, tout comme moi. Tu es si belle. Sexy bonne garde. Devenir ton prince charmant serait mon rêve. Je me fous que cette cité soit la tienne. Je m'oublie quand je vois ton corps bouger sur le dance floor. Sexy, c'est le bel art. Je n'en peux plus, tu me donnes chaud. Tu vas bouger devant moi, là c'est vraiment. C'est si tu bouges à l'autre. Tu es en place, bip. Sur ma cendrillon, bip. Et ton sexe, sexe, Cinderella. Je n'en peux plus, tu me donnes chaud. Tu vas bouger devant moi, là c'est vraiment. C'est si tu bouges à l'autre. Original ghetto girl. Tu es en place, bip. Sur ma cendrillon, bip. Ayo, let's go. Voilà mes palavras, mes no girl. Sexy, parler de ghetto girl. Devant ton one woman show girl. Tu sais que Martin le flow girl. J'ai des sexy gimmicks. Bouge ton balai, c'est de la dynamite. Quand tu danses, tu sèmes la panique. Avec tes oeufs hypertoniques. Y'a le ticket de l'éclat, la technique phallique. La voix métallique, je suis un pur sadique. Cendrillon du ghetto, ma boîte de manix. Un style classique, vise comment je te mix. Cendrillon du ghetto, tu es ma Cinderella. Sur le mic, tu es à quel âge, je t'invite dans ma villa. Tu me donnes mal à la tête. Je kiffe quand tu te la pètes. Y'a le c'est pas la fête. Big party when you

10h à midi tous les dimanches, le Hit Skyrock Fnac. Les meilleures ventes de singles dans toute la France. Estoy loca enamorada de ti. Ceux qui disent non, moi j'ai dit non.

vrai spécialiste. Oh, d'un mètre 70 plus de 70 kilos, le salsa empisse tout. Les mises se réjouissent, te fais tourner la tête comme un disque. Tu prends des risques si tu m'écoutes pour les notice. Ça fascine tout le monde, fils à papa, bandit branché dans l'île. Samedi, c'est de la folie, tout ce qui est latine au plein aujourd'hui. T'es petit dans le coude, tu bois du rang au ballon et puis tu veux déjà changer ton nom pour faire changer le pays. Ça te rend dingue, t'es accro, tu demandes ce qui t'apprécie, tu kiffes, c'est normal. N'oublie pas que ça vient de Colombie. Pour la mer quasi affine, je t'envoie tout la vague latine, un assassinat. Je fais de tous les quartiers là, c'est ce que à midi tous les dimanches, le Hit Skyrock Fnac. Les meilleures ventes de singles dans toute la France. Numéro 3. En La Habana, Cuba. 11 de la noche en